Lainey. D'accord, on est habitué, c'est rendu une vedette, hein, Lainey. Et puis, on commence l'émission aujourd'hui en ce beau mois d'août, 14 août. C'est incroyable comment le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Sinon, comment ça va chez vous? Je le sais, le générique est pas commencé. C'est pas grave, on peut déjà s'installer. Préparer notre verre d'eau avec trois glaces. Et je vous dis, pendant 120 minutes, ça risque d'être vraiment la bonne température pendant tout ce temps. Tout ce temps. Connaissez-vous tout ce temps? Tout ce temps, là, c'est le beau-frère de Georgette. Georgette, qui, elle, était auteure, compositrice et interprète. Ah, mon Dieu! Il l'écoutait, puis à chaque fois qu'elle écrivait quelque chose, qu'elle sortait un disque, qu'elle faisait une tournée, c'était toujours très bien. Il était très constant dans son appréciation. Bon, certains diront, ben oui, c'est certain, c'est son épouse. S'il ne l'aime pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle, là, c'est divorce. Puis comme c'est une méga vedette, il peut être remplacé rapidement, lui, là. Fait que Constant a toujours eu cette ligne médiane de respecter le talent de sa femme, un peu comme la Bolduc, et de se dire, c'est elle qui amène l'eau moulant, le pain sur la table, le beurre, et lui n'est que l'oreille attentive, mais très important. C'est pas un deuxième rôle, là. C'est un tout premier rôle, parce que derrière une grande chanteuse, il y a un homme compréhensif, un taiseux, celui qui ne dit presque rien, sauf l'essentiel, une respiration. Ah! Un cœur qui palpite, un rictus ou une larme. Aujourd'hui, le lundi 14 août 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Êtes-vous insomniaque? Hein, ça commence fort avec une question qui quand même est directe. Parce que moi, oui. Imaginez-vous, la semaine dernière, si on compte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je n'ai dormi que 15 heures. C'est quand même effrayant, là. Et bien là, dormir, là, c'est même pas un sommeil profond. C'est entre deux vagues. Il y a beaucoup de rêves, mais on dirait que il n'y a rien de réparateur. Puis, je présume également que je souffre d'apnée du sommeil. Mais je n'irai pas vérifier, faites-vous-en pas. Non, pas moi. Et donc, je suis tributaire de ces problèmes techniques dans ma vie. Et là, j'essaie de trouver, il va-tu le manger, le disque, lui-là, là? Ouais. Pourtant, faut dire aussi que c'est un vieux CD. Ah, mais non, il veut pas. OK, il l'a lu. Donc, et nous avons un hymne national, nous. Ben oui, les insomniaques. Voici, je vous présente notre chanteuse qui va vous la fredonner, pour ne pas dire vous la chanter. Alors c'est elle, la belle, la grande, l'insomniaque, gnac. Et je crois qu'on doit être sans doute un bon 15% de la population. Vas-y, ma belle Barbara. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, coucher dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils qui venaient pour me bercer, combattre mes insomnies. Mais au matin, je l'ai retrouvé endormi dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit, sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies, et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrais-je le paradis? Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies, et que pâles en robe blanche on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je roule comme les chats, je glisse comme une souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondus, peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris, au pied de mon lit les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mes grands merci d'être venus. Je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie, ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies. Un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi, mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, ah, laissez-moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis. Il paraît, merci Barbara, il paraît que les insomniaques vivent 25% de moins que les autres. Donc, il me reste plus grand temps. 25%, là, j'en ai... J'ai quel âge que j'ai, Georgette, là? J'ai 37. Ah, oh, t'es bien gentil. Hey, c'est pour ça que je l'aime, Georgette. T'sais, elle pose pas de questions. Puis même si c'est des petits mensonges, mais qui ça fait du bien. Ça fait du bien, même pas à l'ego. Juste la voir, son petit rire. En coin, hein? Son petit questionnement le matin. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va? Oh oui, ça va. Toujours ça va. Là, quand elle me prépare, parce que moi, je lui fais de la nourriture, comme disait quelqu'un, je lui fais du manger. Du bon manger, moi, du bon manger. Il y avait un imbécile là, qui était quand même en haut de la hiérarchie là, dans un supermarché quelconque, en fait une bannière quelconque. Puis il était au sous-sol. Et moi, je mangeais là, au sol de l'entreprise. Donc, il venait faire des tours un peu partout dans la succursale de chaque endroit. Et pendant mon repas, il se trouvait à chaque moment, donc, ça va bien, vous? Oui, les enfants? Bon. Non, mais à chaque fois qu'il venait visiter là, les magasins, ben il allait au sol et c'était son bureau chef. Mais il pouvait déménager tout le temps, là. C'était pas fixe. Par exemple, s'il allait à Sherbrooke, ben son bureau chef était à Sherbrooke pendant une journée. S'il allait sur, je sais pas, à Trois-Rivières, ben son bureau chef était à Trois-Rivières. Là, il était à Québec, je mangeais à côté de lui, puis là, il a appelé quelqu'un, puis il dit à la dame, il dit, écoutez, là, vous êtes à, je sais pas, disons, à un endroit assez... à Valbriand. Bon, hein, il y a une entreprise. Notre entreprise est à Valbriand. Bon, une bannière de notre grande entreprise. Et puis, on a ici une chronique, Le Bon Manger. Et pour faire connaître votre région, ben, on aimerait que vous sortiez de vos livres une recette pour faire partager là, à nos, aux gens qui viennent acheter chez vous. Mais dans toutes nos succursales aussi. Alors, ça s'appelle le bon manger. Ça n'a pas de bon sens. Le bon manger, il y avait l'air d'un porc de bon manger, bon manger, bon manger, bon manger, bon manger, bon manger. Puis son français est assez comme moi actuellement. Là. Mais moi, c'est à cause du manque de sommeil. Mais faut toujours trouver, madame, des raisons. Puis en plus, comme je suis à Errance Rénaldienne, mon émission, je dois de bifurquer dans tous les mots. Je peux m'enfarger dans la virgule et me donner un coup de tête sur le point final. Mais ça risque d'être vers 2h du matin si tout va bien. Le temps qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Et le temps ne cherche plus, non, il trouve souvent et pleure si longtemps. Non, c'est mon invention, c'est ouais, ma parachanson de Jacques Brel. Non, mais il y a du paratonnerre, puis il y a de la parachanson, hein. Tout est para. Moi, je suis un para. Ah oh, oui, para pas ordinaire. Un para pas ordinaire, ça naît n'importe où sur la Terre, sauf chez lui. Puis pendant toute sa vie, il cherche son chez-soi. Puis quand on me demande souvent où tu restes, ben je dis chez nous. Mais c'est ça, on sait, nous, on sait jamais d'où on vient, mais on sait où on s'en va. On est comme des, oui, exactement, des boussoles, mais pas si fières, tu sais, on est des boussoles pas fières. Il y a des boussoles, oui, des boussoles fières, oui. Bon, vous êtes fiers d'être boussoles, vous. Mieux vaut être boussole qu'être pancarte. Il y a une expression que je connaissais pas il y a longtemps, c'est, ben, il y a pas si longtemps, c'est pancarte. Et toi, t'es pancarte. Je sais même pas ce que ça veut dire encore. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui... Tu sais, qui fige un peu, là. Tu y parles, puis... On sent qu'il se passe rien, là. C'est un peu comme... oui, devant un hypnotiseur. Il est là, puis il est pas là. Il est là, puis il est pas là. Tu sais jamais ce qui va sortir de cette bouche-là. Mais souvent, c'est une libération de l'intérieur. Faites-vous ça chez vous à la maison, ou même au travail, des libérations de l'intérieur. Bon, ça peut se passer très... Ouais, ça peut commencer, oui, dans un cabinet d'aisance. Bon, oui, là, t'es tout seul avec toi-même, assis. Là, tu pars, là, mais comme t'es assis, tu peux pas tomber. Mais si tu vires en transe, parce que ça peut virer en transe, cette affaire-là, là. Si tu vires en transe, là, tu peux tomber par terre, faire la friteuse, c'est... Comme disait, comment qu'il s'appelle, donc, dans le Festin Nu, Naked Lunch, Ray Dumbarrow. Avez-vous vu ça, Naked Lunch? Avez-vous lu ça? Le Festin Nu? Naked Lunch, Festin Nu, c'est la même chose, mais en français. C'est assez spécial. Il y a la sexualité ambivalente. C'est même dur à dire, hein? C'est dur à dire, hein? C'est même dur à dire. Manque de sommeil, c'est pour ça. Mais ça risque de faire des bonnes émissions, ça. Mais c'est mon émission de ce soir. La prochaine, je ne sais même pas dans quelle situation je serai, dans quelle concentration intellectuelle, quoique concentration. Hey, je voulais vous parler aussi, avant de passer à la musique. Il faudrait que je change aussi. On a-tu mis l'autre disque, oui, puis on a enlevé Barbara? Merveilleux. Sans le savoir, on est des extraordinaires personnages qui connaissons notre radio. C'est KRL de 89.1 à Québec. On l'embrasse de partout. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire l'insignifiant là-dessus? Donc, mon Dieu, ça, j'ai ça, perdre la boussole fière. Ah! Prenez en pitié ma boussole pas si fière, mon Dieu. Non, mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je voulais dire. Mais je veux le dire. Je sais pas ce que je veux dire, mais je veux le dire. Ah oui, drette là devant vous, sans aucune gêne. Comment vous vous trouvez actuellement, là? Êtes-vous assis, debout, en voiture, en vélo, en scooter, en moto, couché? Écrivez-moi, renalquebec@commercial.com. Dans quelle situation, où vous pouvez devenir mon ami Facebook, c'est Rénal Québec. Est-ce que ça fonctionne sur Rénal Québec? Rénal Québec. Ou écrivez Rénal Gagné, Rénal Québec, mais là, c'est parce que l'adresse n'est pas la même que mon courriel. puisque on a fermé trois fois mon compte, mais ça, c'est dans les débuts de Facebook. On disait que j'étais un emmerdeur de première, comme me disait ma copine, mon ancienne copine. Mon ancienne, pas ma nouvelle. Ah oui, l'emmerdeur de première. Moi, là, les dépendants affectifs, là, c'était peut-être moi aussi un peu. Et je savais qu'elle était au travail, mais je l'appelais sur son répondeur pour lui dire des poèmes, lui dire comment ça va. Puis, et je devais lui laisser facilement là, 40 messages par jour. Mais pas des insignifiances, là. Je lui parlais du beau temps, il se passait quelque chose, là. Puis je l'appelais. Puis comme je suis capable d'improviser assez longtemps, je bourrais son répondeur, mais ça, je le savais pas. Puis à un moment donné, on était, tu sais, quand tu dis là, les confidences sur l'oreiller, là. Donc, on s'était embrassé, puis bon, tout allait bien, et là, c'était terminé, ou presque, puis on continuait quand même. Puis là, elle dit, tu sais, tu m'appelles souvent, puis je suis pas là, et puis tu me laisses des messages sur mon répondeur. Tu sais, elle a pas dit des beaux messages, elle a été très directe en me disant, ben, mais quand j'attends d'autres appels que toi, ben les gens ne peuvent pas laisser aucun message. Là, je dis, oh, OK, parce que, oui, tu occupes tout l'espace. Oh, puis, tu n'aimes pas ça, hein? Non, j'aime pas trop ça. Parce que ça sert aussi à trouver un autre emploi. Oh, mon, tu as bien raison. Oh, je m'en excuse, ma douce aimée. Alors, tu veux me quitter? Non, juste modère un peu, modère, je connais pas ça, modère, moi. Moi, je suis 500% extrémiste, tu le sais, tu m'as aimé pour ça. Puis là, tu m'as haï aussi pour ça. Mais tu le savais au début, je t'ai pas triché. Je t'ai pas caché la vérité. Puis, tu sais aussi que quand on mange, hey, on allait dans un haut restaurant. Puis ça, c'est vrai, puis c'est assez extraordinaire. On allait au restaurant le midi pour prendre un repas. Puis on était là le soir pour continuer l'autre repas. Hey, on occupait là, l'espace, là, je vous dis, c'était merveilleux. Merveilleux. On avait toujours quelque chose à dire ou à se dire. On parlait de tout, hein? De musique, de cinéma, de philosophie, de psychologie, parce qu'elle était dans ce milieu-là, psychologue. Et ben, tout le monde a ses défauts. Et, et donc, je ne sais pas si vous avez entendu la rencontre que j'ai eue avec Sonia Palvic. On a parlé de psy. C'était une très, très bonne émission. En trois rencontres. Je l'ai adoré. Puis quand j'ai fait le montage, il n'y a pas si longtemps, j'ai... C'est ça, moi, mon intérêt puis mon plaisir, c'est que je rencontre des artistes, des créateurs, tout ça. Donc, je suis en direct devant eux. J'écoute. Je participe. Et après, je fais le montage. Donc, je réécoute. Et là, je me dis par la suite, hey, c'était vraiment très bien. Je m'en rendais compte aussi quand je le faisais. Mais quand tu coupes pour après ça te dire ça fera une émission, une autre émission, mais je vous dis une chose, il n'y a aucune censure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne coupe pas pour éviter de dire quelque chose. Je coupe uniquement pour faire trois parties ou deux parties à mes émissions. Donc, c'est du début jusqu'à la fin. Les césures sont positionnées simplement pour marquer un volet et un autre volet. C'est assez clair, ça, M. Tremblay? Vous ne ben, prenez pas de notes. Ah non. Vous avez juste à réécouter. C'est en balado-diffusion. Balado-diffusion, oui. Ça veut dire que vous téléchargez, vous l'écoutez quand vous voulez, dans n'importe quelle circonstance. Couché, dans la piscine. Mais là, au mois d'août, la piscine... oui, il y a des bêtes, oui. L'été indien. Connaissez-vous ça, l'été indien, vous? Partout dans le monde, je ne sais pas si le terme été indien, par exemple au Brésil, est utilisé. Ou même l'été indien, en Angleterre, en Australie, ou encore pire, à Paris. Encore pire à Paris, t'es drôle. Oh. Mais quelqu'un qui n'est pas drôle, mais très, très intéressant, c'est mon ami. Mon grand ami que j'ai rencontré il y a quelques années, ça s'appelle... Ben, il s'appelle, lui, Albin de la Simone. Ah! Très, très bien. Bonne écoute. Vas-y, Albin. je me la boucle. Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes cravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèze. L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale. Le poids de mon nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées. Sur mes épaules. Futur en question. Hey, Albin de la Simone, je veux juste vous dire, je vais vous placer en situation, c'est pas compliqué. Quoique, ça dépend pour qui. Ah, oh, hey, non, hey, c'est une blague. Prenez les blagues, vous là, là, Madame Thibodeau. Bon, elle fait la babouine. Elle fait la petite babouine. La petite babouine. On lève la babouine. Bon. Qu'est-ce qu'il disait donc? Oui, Albin de la Simone qui était. Qui s'occupait d'une tournée avec Souchon, Alain Souchon. Il était son orchestrateur. Orchestrateur. C'est un gars merveilleux, sensible. Et c'est lui qui disait, quand à un moment donné, il faisait cet album-là. Je l'ai vu sur Nous étions. Normalement, je vais voir mes artistes viennent me voir sur Les Abbesses, mais lui, il ne pouvait pas. C'était Monsieur Jean Genet. Quelle rue? En tout cas, peu importe. Et il était à côté de son immeuble. Puis il préparait, il faisait le montage de son. Non, le mixage de son disque. Et là, je lui dis, à quel moment là, tu crois avoir terminé une chanson? Mais c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Je suis toujours. Je veux toujours rajouter quelque chose, enlever quelque chose. Alors, c'est comme un peintre. Un peintre, à quel moment il se dit la toile est terminée, la chanson est terminée, la pièce de théâtre est terminée, le roman est terminé, la nouvelle est terminée, la poésie est terminée. C'est ça, la perfection ou pas. Il y en a qui font confiance à leur jet créatif. Ils se disent là, c'est le temps de terminer cela parce qu'il faut à un moment donné mettre un point final ou laisser l'œuvre partir. Et conquérir la société, les gens, le public, les amateurs. Et c'est ça, l'intérêt. Créer pour laisser, à un moment donné, laisser aller tout ça dans la société. Albin de Lesmond, il se questionne encore là-dessus. Là. C'est un peaufineur. Un peaufineur. Un homme extrêmement élégant, intéressant, touchant. Bon, OK, sinon, on va lâcher les gens que tu connais, que tu as déjà rencontrés. Qui n'as-tu pas rencontré? Ah, bon, Elvis Presley, j'ai jamais rencontré ça, moi. Et puis Freddie Mercury non plus. Ouais, mais arrête des morts, prends les vivants. Ah, oh, ben dans les vivants. Ah, oh, Daniel Boucher, jamais rencontré Daniel Boucher. J'adorerais le rencontrer, mais il ne voudra jamais. Et puis qui donc? Ah, oh, il y en a. Il y a plus de monde. Ah, Gesh Petty. Ah, ben Gesh Petty. Etienne. Et il y en a. Puis aux États-Unis, Bruce Springsteen, ce serait compliqué. Parce que moi, je parle pas anglais. Ah non, moi je suis un unilingue, mais pas fier de l'être, là, mais je m'en fous un peu, là, de pas l'être bilingue. Moi, je parle un langage que l'on ne comprend pas, même en français. Donc, j'ai créé ma propre langue, un peu comme l'estorato, l'esmorado, laisse-moi là, viens me chercher plus tard. Je vais t'apprendre une langue. Pas la langue universelle, là. Oh, il y en a-tu, hein? Il n'y a pas besoin de parler pour sortir la langue, puis tire la langue et aime-moi. Ou tire la langue et fais-toi frapper. Ça dépend, là. De quelle manière vous sortez votre langue? Ah, ça peut être un instrument de guerre ou au contraire, un accessoire d'amour. Oh! Hey, sinon, là! Je dis souvent sinon. Mais il y a des mots qui reviennent tout le temps. Hein. Les gens qui font des analyses, là, les universitaires nerveux ou les puristes, là, qui disent, ah, ouais, erreur canadienne, là, il y a de la répétition. Il y a du mot qui se répète tout le temps. Puis on dirait que ce gars-là, c'est un répéteux. C'est un répéteux. Mais là, ils disent pas ça à l'université. Non, ça, c'est le public là, de tous les jours, hein, répéteux. Ah, je te répète. Ah, mais il y en a, que c'est, comme je disais tantôt, il y en a des taiseux. Moi, j'haïs les taiseux parce que c'est des gens qui sont constipés. Tu sais, qui ont le nœud là, broyé puis qui sont pas capables d'évacuer. Puis quand ça explose, monsieur, ça envoie ça partout, hein? Puis même, ça peut amener... Avance-toi, je vais te dire. Là. Ces gens-là, les taiseux, là, ben beau, ça... se bercer, puis chanter. Mais les taiseux, normalement, là, ils se bercent, mais ils disent rien. Ils observent. Chantent pas, ils observent. Ils sont introspectifs. Intro. Moi, j'ai rien contre les intros. Mais il faut que ça sorte à un moment donné dans quelque chose. Là. Dans la peinture, dans la sculpture, dans la poésie, dans la n'importe quoi, mais... Gardez ça pour soi. Hey! On appelle ça un volcan éteint. Puis cette chose va peut-être un jour exploser. Et ça peut devenir très, très, très dangereux. Ah, oh, bon, tout Seigneur. Hey, moi, j'en ai connu un, là. Albert. Connais-tu Albert? Pas la chanson, le « Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir les choses de les enfants. » Oui, oui, oui, tout. Oui, avez-vous senti que j'allais m'étouffer? Juste un soir, Albert, au restaurant du Nord. Qui chante ça? Ouais, je sais que c'est moi, là, mais l'origine, l'auteur, compositeur, interprète, parce que c'est le trio en lui-même, hein, cette tête-là, c'est un compositeur, un interprète et un auteur, compositeur, interprète. C'est trois en un. Initial FL. Ben non, pas la tour Eiffel, FL. Félix Leclerc. Oui, sors-moi donc. Ah, c'est le même qui chante, hein? Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Pis c'est-tu vrai, ça? Tu sais, les mémères, là, c'est pas eux autres, c'est pas des taiseux. Les gens qui regardent par leur fenêtre, là. Puis, ah, regarde l'autre, ah, c'est acheté ça. Ah, ben lui, ah, mon Dieu, il est rendu là, là. Hey, c'est qui sa femme, là? Ah, c'est-tu qui est marié, lui, là, là? Tu sais, les mémères qui se mêlent pas de leurs affaires. Puis, on se demande comment les guerres arrivent. Ben, dans une ville, dans une paroisse ou dans une rue, c'est comme ça que ça naît. Perdu au milieu de la foule, seul et hagard, mais pourtant à la croisée des regards, l'envie de me rouler en boule, fuir à la gare, l'important, l'envie d'éviter l'enterrement, les officiers condescendants, mon pauvre. Comment allez-vous? Lassé d'imaginer mon frère en habit militaire, mort avant l'heure, mort en plein air, disparu derrière ses paupières, dans la nature et la matière, maquillé, déguisé, couché à jamais sous le drapeau français. Mon pauvre, comment allez-vous? Comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire, mon pauvre? Comment allez-vous? Hein? Est-ce que c'est assez sensible à votre goût, madame? Hein, ça, là, c'est comme, attention, c'est comme une meringue. Parce que c'est pas trop cuit, c'est pas trop mou, c'est juste à point. C'est Albin de la Simone. Albin de la Simone est une meringue. Un être totalement assaisonné, cuit. Selon les conventions, non, là, non, il est anti-conventionnel. Mais là, je ne veux pas faire l'émission, c'est pas lui. Là, le but des Dérances Renadiennes dans la première partie, c'est de se lancer un peu partout et de se recueillir nulle part. Partir en vrille. Puis la vie nous fait-tu partir en vrille? Ça n'a pas de bon sens. Hey, j'ai... Ah oui, je voulais vous raconter ça, ça c'est pas mal. Vous savez que j'ai jamais eu de téléphone intelligent, mais là, depuis pas si longtemps, 3-4 mois, j'ai peut-être 5 mois, j'ai un téléphone intelligent. Puis, je trouve ça intéressant. Avant, j'avais un flip-flop. Bon. Et puis, j'ai aussi un scooter, ça vous le savez. Et j'ai changé mes piles parce que j'ai eu des problèmes. Bon, ça allait pas très bien. Et puis, quand j'ai appelé l'entreprise qui m'a vendu les piles, j'ai dit, comment je dois charger mes piles? Et il m'a dit, écoutez, quand c'est terminé, quand le bouton vert apparaît, vous débranchez immédiatement. Après, ça peut jouer entre 5, 6 ou 7 heures. Là, ben, j'ai dit, écoutez, mon cher monsieur, moi, j'ai pas de problème. J'ai un chargeur intelligent. Il dit « Ah ouais! » J'ai dit « Oui, quand c'est vraiment terminé, il s'arrête tout seul. » Il dit, ah, mon Dieu, oui, ça existe, je le sais, mais c'est très rare que les gens ont ça. Ben oui, mais, tu sais, il faut se doter d'articles intelligents pour nous laisser un peu la matière grise à autre chose. Hein? C'est intéressant, ça, hein? C'est pas fou. Bon, certains vont dire, ben oui, mais là, si tu as un téléphone intelligent, les numéros de téléphone avant des années 70-80, on les connaissait. Tu sais, appeler notre belle-mère, là, puis surtout quand tu es divorcé 3-4 fois, laquelle belle-mère, à quel numéro de téléphone je dois appeler? Tu fais le zéro. Ouais, tu te dis, ah non, non, écoutez, là, il y a une urgence. Oui, ma belle-mère, laquelle? Ah, mon Dieu, celle de 1982, là. Celle, quand j'étais avec Georgette, oui, la chanteuse exploratrice. Ouais, celle-là. Oui. Le nom de sa mère, c'est Cécilia. Oui. Tremblay. Cécilia Tremblay. Elle restait. Elle reste aux Escoumins. Ah, mais là, la rue, mais je sais pas, là, peut-être pas trop loin des Escoumins, là. Il doit pas en avoir tant que ça, là. Ah, vous avez un numéro de téléphone? Pouvez-vous me l'appeler, s'il vous plaît? Donc, elle l'appelait. Puis là, le gars devant, tu sais, ça a pris tellement de temps à trouver hein, l'endroit, le nom de la belle-mère, puis le prénom, puis quand ça sonne, puis ça répond, hein, c'est elle qui est là, ben il sait même plus pourquoi il l'a appelé. Mais en tout cas, hey, c'est votre ex, là. Ticu Boudreau. Oui. Hey, votre tourtière, là. Okay, c'est ça que je voulais vous dire, votre tourtière, là. Bon, j'ai trouvé votre recette parce que là, j'étais en train de faire des boîtes. Oui, je quitte encore une autre femme. Ben oui. Je suis un imbécile, je le sais. Ah, si j'ai un emploi, ben non. J'ai tout. Ben voyons donc. Oui, j'ai fait travailler mon autre femme aussi. Ah oui. C'est pour ça qu'elle avait le ras-le-bol. Ras-le-bol. Ah mon Dieu, je me suis assis. Ouais. Et non, c'est une autre histoire. J'étais assis sur quelque chose. Mais non. Sur des billets de 1000$. Ah, c'est moelleux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Donc, oui, j'ai retrouvé votre recette. Mais, ouais. De 6 pâtes, oui. 6 pâtes. Ah, moi, je suis un pâteux. Ouais, arrêtez, là. Arrêtez de me dénigrer. On s'aimait avant. Moi, ça, c'est avant. Hey, non, mais je veux pas vous... Non, parce que ça coûte là. Non, j'ai pas de maudite scène, moi, là. Fait que là, ça va couper. Il me reste 30 secondes. Oui, mais c'est 450, mais là, il manque le reste, là. 450 au four, mais combien de temps? Jamais assez longtemps pour moi. Bon, ça peut brûler en enfer. OK, je suis un astronome. Hey, la ligne est mauvaise, hein? Au revoir. À la prochaine! C'est ça, hein? On sait pas ce que la vie nous réserve, puis en même temps, heureusement. Puis heureux aussi, bien sûr, je voulais avoir une porte de sortie, mais ça n'a aucun lien avec la. Non, l'improvisation, mais c'est pas grave. Il n'y a aucune gravité, là. On n'a tué personne, personne n'est en danger de mort, malheureusement. Non, mais il y en a-tu, hein? Il y en a-tu qu'on aimerait? Non, pas les voir mourir. Non. Mais les voir réfléchir sur leur idiotie, ce serait quand même pas mal. Puis là, tu te dis, hey, ces gens-là, là, ont pas de... Comment dire, là? Ont pas de recul. Tu sais, ils sont dans le présent, ils sont là, puis hein, c'est des gens ludiques. J'ai rien contre les gens ludiques, là. Ils sont ludiques, mais ils pensent pas à demain. Puis en même temps, il y en a qui se disent, ah, ben demain, c'est un autre jour. Oui. Mais tu sais, à un moment donné, là, t'as 250$ dans tes poches. T'es pas obligé de le brûler dans la même journée. Tu te dis qu'il y a un lendemain. Hein? Tu fais pas... Tu te dis pas, qu'est-ce que je vais manger à soir? J'ai 25$. Là, t'achètes pour 25$. Puis là, le lendemain, tu dois remanger encore. Puis là, tu dis, ah, oh, ben là, j'ai tout brûlé hier. Ben oui, c'est ça. Il y a un lendemain. Oublie pas, il y a un lendemain. Tu sais, ta soeur, ta religieuse, la sœur Planate. Connais-tu ça, la sœur Planate? C'est une ancienne sœur grise, ça. Elle est partie à Trois-Rivières en bateau. Elle était seule, une barque, une vieille barque. Et puis, elle était jeune, elle avait 22 ans. Puis elle s'est dit, moi, si, ça va être mon chemin de croix, moi. partir en kayak toute seule et puis prier Dieu, puis aller chercher la vérité, et les Saint-Esprit viendront m'électrocuter. Histoire, je serai au courant de la religion, des religions en général, pas juste le christianisme, hein, parce qu'il n'y a pas juste ça sur Terre. Parce que les hommes ont inventé tant de religions, tant de religions. Sans homme, pas de religion, là. Comment qu'ils disaient, Dieu a inventé les hommes ou est-ce l'inverse? C'est Gainsbourg qui disait ça dans Aux armes, etc. Non, pas dans. L'album s'intitule Mauvaise nouvelle des étoiles. Très bon disque en passant. C'est reggae. Et puis, il y a un texte, c'est surprenant. Surprenant. C'est tellement surprenant que je ne pouvais même pas jouer le disque. Non, mais c'est pas lui. C'est pas son tour. Je le fais assez. Ah oui, je vous le propose régulièrement, Gainsbourg. Hein, oui. Là, c'est Albin. Retrouvez-moi au bord du lac, à la nuit tombée. Fuyez le palais par le parc, il faut y aller. N'emportez que le nécessaire, l'or et les bijoux. Abandonnez nos affaires, oubliez tout. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas. Ne parlez surtout à personne d'autre que moi. J'ai déconné. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Je pagayerai la nuit entière. Tout ira bien. Nous aurons passé la frontière au petit matin. J'ai des amis là-bas derrière, prêts à nous aider. Nous reviendrons quand la poussière sera retombée. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Oui. Non, vous n'entendez pas des voix, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Tu ne me reconnais pas? Mais voyons donc. Reynald. J'étais parti. Avec Gigi. Là-bas. Il faisait pas si noir, mais. Je suis revenu. Non, c'était pas. Bon, enfin. On croyait être. Mais bon. Non, on regrette rien. Ne jamais regretter, mon ami. Jamais regretter. Quel mauvais choix. Même si c'est pas un choix de regretter. Tu y vas, tu fonces, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu retrousses les manches, tu retrousses les manches et tu y vas. Ailleurs. Dans un pas aussi rapide et aussi ferme et aussi solennel. Faut jamais regretter. Pourquoi? La vie est si courte. Le temps si frileux. Les années si décousues. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et l'avenir, quelle belle invention pour nous déranger l'esprit, pour nous empêcher de dormir, pour nous offrir encore cette malheureuse intention qui nous gruge jusqu'à l'os. On se posait des questions, hein? Avec Claude, Rémi et Maryse. Ah oui, on se disait, ah, c'est Julie Jim, version 2023. Ah ben oui, on refait le monde constamment, on refait le monde. Ah! Mais non! On doit défricher à notre manière, sans faire du papier collé. Pour être dans le vent. Oui, papier collé, avant ça, ça n'existait pas dans les années 80, papier collé. Qu'est-ce que ça voulait dire, papier collé? Ben là, avec l'informatique. Peut-être dans 20 ans, papier collé, ça ne voudra rien dire non plus. Peut-être même parler avec quelqu'un en personne, ça ne voudra rien dire non plus. Tout sera virtuel. Tout contact humain deviendra superflu ou non essentiel. On nous a peut-être programmé pendant les deux dernières années de 2000-2021, hein, puis presque 2022. Maintenant, on part en vrille. On cherche d'autres chemins. On veut faire autre chose de sa vie. Autre chose de sa vie. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. Mais surtout de rien. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'ennuyer. C'est pas pour ça qu'on va chercher à s'arrêter, à stagner. Faut défricher! Faut s'offrir du bon temps. Faut réfléchir aussi sur notre vie. Mais pas trop. Juste assez. Pour pas en être malade. Pour pas délibérément se soustraire au globe. Soyons heureux. Offrons-nous le bonheur. Même si dans notre vie, ce n'était que chimère. Parce qu'il y a chimère, puis il y a chipère. Chipère! C'est chipère! Ton texte, c'est chipère. Ça vient de qui? C'est oh, on a senti un peu du... oui? Du Raoul Jobin ou du Tolstoï. Est-ce que c'est du Tolstoï? Non, c'est du Lestoï. Ah, mon Dieu! Pas mettre beaucoup d'eau, mais juste un peu de Lestoï. Tu fais de la publicité? Non, c'est Tolstoï. Tolstoïevski! Tolstoïevski! Qui veut du Tolstoïevski, madame? Voulez-vous du Tolstoïevski? Lait-tu mayonnaise? Framboise? Non, pas de framboise là-dedans. Ça va gâcher votre recette. Oui, monsieur. Madame, mademoiselle. Ah, mon... Hey, un bouquet de Tolstoïevski. Vous allez humer... vos fraîches narines tenteront d'évaluer, d'analyser d'où arrive cette splendeur et sans gêne, je vous dirai, de votre être si charmant, de votre bouche offerte et de votre main tremblante et de votre regard fuyant devant le monstre que je suis devenu. Ah, la vie! Mangeons-la à double amour. arrêtons. Et là, je me dis ça. Arrête. Non, c'est ça. Je m'auto-convainc. Je m'auto-convainc, madame. Convainc. Vin? Ah, oh, oui, je vin, vin, bière. Oh, non, le fromage. Fromage. Est-ce que c'est du mozzarella? Mozzarella. Les deux pieds dans le chocolat. Chocolat blanc ou chocolat noir? 70%. De péché ou de volupté? De divinité? Ah, mon, la divinité. Ah, ça, c'est comme un pain. De la mie de pain. Sans trop de trous. Parce que le trou dans le pain, là, c'est pas nourrissant. C'est la croûte qui jute dans ma bouche grâce au beurre. Parce que dites-vous une chose, un pain, ça jute pas. S'il n'est pas cuit, ouais, mais c'est pâteux, donc ça jute pas. Ce qui fait juter le pain, la baguette, c'est le beurre. Puis il faut en mettre en sein, s'il vous plaît. Ah, je le sais, là, vous allez avoir le foie gras, le foie qui vous lâche, le foie, ça sert à rien, le foie, ma foi! Allons s'échoir dans la jouissance universelle. Alors, amour, oui? Alain? Prends ton piano et délivre ton art par ta bouche et ton doigté qui sait charmer la musicalité. Vas-y! Un jour la vie est belle, une euphorie nouvelle. Pour un oui, pour un non, tout va bien pour de bon. Un jour je suis croyant, végétalien, pratiquant. Plus de sel ni de pain, plus de lait ni de vin. Un jour je m'exaspère, j'ai pas les mots, je les perds. Je trépigne, je m'égare. Un jour je ressemble à mon père. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. Un jour je donne, je donne, je donne, je donne. Le cœur sur la main. Sur le cœur. Un jour je parle fort, à raison et à tort. Je m'emballe, je digresse. Je m'affale et vous délaisse. Un jour je bois du noir, miné par mes déboires. De la veille et de l'avant-veille. Et tout à coup, tout m'émerveille. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. Plus, pas le coup, pas un clou. Moitié plein, moitié bu. Tout est flou, tout est fou. Et toc, un coup du ciel à nouveau, la vie est belle. Pour un oui, pour un non. Tout va bien, pour de bon. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. C'est la crise. On va s'y faire. Christelle Serenald. Oui. L'homme de théâtre. Oui. Ben moi, je fais du grand théâtre. Ah, pas du petit théâtre, du grand théâtre. Oui, je reprends Corneille. Et je le regarde s'envoler. Je reprends Rembrandt. Et il fait pas du théâtre, Rembrandt. Je reprends Rembrandt. C'est pas, il fait pas du théâtre, Rembrandt. Hey! Je reprends Rembrandt. Et je m'inspire de son œuvre. OK, ça fonctionne. Et Michel Tremblay examine le tout. Il m'envoie à l'oreille. Que du québécisme que j'adore. Donc, je suis, bien sûr, imbibé de tous ces arts, de toutes ces langues, de toute cette structure théâtrale qui fait de l'art vivant quelque chose de compréhensible, de touchant et surtout d'intelligent. Quoique dans l'intelligence, là, moi, je pensais faire les quatre coins au bingo. Puis là, mon beau-frère m'a dit, hey, toi, là, hoche le bingo. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. J'ai dit, hey, toi, là, c'est pas parce que regarde pas les pitounes de ta carte de bingo. Regarde les pitounes qui sont là. Ils sont là où? Ils sont partout! Ah, y en a-tu de la pitoune? Il y en a de la pitoune. Mais là, au même moment, il faudrait que tu vérifies. Tu as pris 6 cartes, là. 6 cartes, ça. Puis, quand le caller colle, parce qu'un caller, ça colle, hein? Pas juste des orignaux, là. Non, ça colle. B53, ça se peut pas B53, OK? C'est B8. B8, O53. J'ai mon voyage, parce qu'avec toi, si tu crées Mingo, ça risque de pas être le gros lot. Loin de là. Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai. Faire table rase du passé, la discorde qu'on a semée, à la surface des regrets, n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie. Où vont les vaisseaux maudits? Angora, sois la soie, sois encore à moi. Les pluies acides décharnent les sapins. J'ai plus rien, coule la résine. S'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin, je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Ah, maintenant Anne-Sophie Guerrier, qui est auteure, compositrice et interprète. Une femme aussi qui fait des tours de ville à Montmartre. Une femme extraordinaire, pleine d'énergie. Alors voici Anne-Sophie Guerrier. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien

J'étais partout. Allô? Ça va bien? Ça va, non? Excellent, c'est excellent. Monsieur, qu'on se met où? N'importe où, ici. Voilà, vous voyez la musique, là, les amplis, donc je sais pas. Comme tu veux. Dérange-toi, tiens. Peux-tu être à l'extérieur, ça me dérange pas? Ok. Ok. Okay. Parce que c'est bien. Merci. Les tables sont toutes avancées. Les baguettes, ah, ici c'est pas mal. C'est tranquille. C'est parfait. Parfait. Voilà mes cheveux. Oui, je vois ça, c'est très... C'est très esthétique. C'est très sympa. Ah oui. Et toi, ça va? Attends. Bah oui. Hey, ça fait longtemps que... Bah en fait, pour être honnête, Désolée. Je t'ai connu grâce à notre ami. De Kluckel. Ben, la con. Qui ça? Voyons. Elle va m'assassiner. Sandra? Non, j'ai un blanc. Ça fait une chanson sur sa galerie à côté de. Voyons. Palombe. Julia Palombe. Palombe? Ben oui, Julia Palombe. Julia Palombe? Ben oui, parce qu'il y a une vidéo avec toi qui chante, puis avec elle, juste ici, voyons, chez Nicolas. Oui, ça c'est chez moi. OK, bon, ben, Julia Palombe chante une chanson. Pas de ma fenêtre. Non. Mais elle reste juste à côté. Non, c'est pas ça. Ben oui. Toi, tu chantais une chanson? Ah non, mais moi, Julia Palombe, je connais pas. Hein. Tu connais pas Julia Palombe? Non. Ah, parce que vous restez juste à côté. Toi, tu restes ici sur la rue des Abbesses. Ouais. Puis elle aussi. L'immeuble à côté. Elle chante de l'immeuble d'à côté? Oui. J'ai jamais vu chanter de l'immeuble à côté. Ah non, mais je vais t'envoyer le lien. Mais là, pas aujourd'hui, parce que j'ai pas accès à mon Facebook. Ah mince, ouais. Mais c'était pendant la fête de la musique. Non, elle a pas chanté de là. Il y a les Mix City qui ont chanté de là? Ouais, mais toi, t'étais là-bas chez Nicolas. Là, ciao. Merci, salut. Oui. OK. Et elle était de l'autre côté, avec son copain à la guitare. Ah non. Ah non, OK. Bon, peu importe. Elle était pas là, hein? Ah. Je l'aurais vu, quand même, de ma fenêtre. Ah non, mais peut-être que ça s'est fait après. Ah, mais je l'aurais vu. Ouais. J'habite là, quand même. Oh, oui, c'est vrai, mais de l'autre côté. En tout cas, peu importe. C'est grâce aux vidéos que j'ai vues, où on t'entend chanter. Et après ça, j'ai fait une recherche. Oui, c'est quelqu'un qui a partagé une vidéo de moi. Je crois que c'est Luigi qui a partagé. Non, c'est pas par Luigi. Ben, Luigi, c'est son copain. C'est pas Luigi. Elle a un copain, et c'est lui. Luigi Gigotti, le neveu de Dalida. Ah non, excuse-moi, parce que Luigi, c'est aussi le guitariste de Julia Palombe. Ah non, c'est okay. Pas le même. Ah bon, d'accord. Bon, OK, c'est là que ça se... D'accord, c'est là que ça... Ça se complique, là. Oui, c'est ça. On parle de quelqu'un d'autre, chacun avec son... Oui, c'est ça. Demandez à l'homme au piano, de frapper à coup de marteau, marteau, qu'il tapatire l'arigot juste au fond. Je sais que ses doigts ne sont pas en bois, mais quand il les cassera, on les fera remplacer. Le principal, c'est qu'il joue comme une machine à sous jusqu'au bout sans arrêt. Peut-être que ton cœur entendra un peu tout ce fracas, et qu'alors tu comprendras que le piano joue pour toi. Je dois chasser comme je peux le fantôme silencieux. Si le bonhomme fait du bruit, c'est que moi je lui crie de frapper comme un sou. Ça ne sonnera jamais plus faux que la chanson des mots qui parlait de notre amour. Demandez à l'homme au piano, au piano, au piano, de frapper à coup de marteau, pour casser dans mon cerveau mon amour en morceaux. Même s'il ne m'y reste plus qu'un doigt, qu'il tape avec les bras, après tout, moi je m'en fous. Le principal, c'est qu'il joue comme une machine à sous jusqu'au bout. Demandez à l'homme au piano. Au piano. Mais je me rappelle que vous avez liké un partage de Luigi, je crois. Exactement. Et de Luigi, Luigi. Ah, fait, attends, Luigi à toi, oui. Luigi Gigliotti. Oui, c'est ça. Regarder parce que ça me perturbe là, cette histoire. Oui. Mais elle aussi l'a placée sur son mur, je crois. Elle a peut-être partagé la vidéo de Luigi, hein. C'est ça, peut-être. Mais peut-être. Alors, où est-ce que c'est? Il y a 5 jours, ça remonte. 24 juin, fête de la musique, c'est là. C'est exactement c'est celle-là. C'est exactement ça, oui. C'est C'est là où je chante à cappella. Oui. Je chante le moulin de la galette, je crois. Oui, et voilà. Et donc là, il y a eu 74 partages. Et dans un de ces partages... Il y a moi puis il y a Julia Palombe. Vous l'avez partagé, non? Oui, c'est ça. Ça va peut-être plus rapide si j'allais directement sur votre Facebook. Mais ouais, l'ancien, du coup, l'autre. Parce que... non, mais on suit toi, hein. Oui, oui, aussi. Okay. Parce que moi, j'ai même pas accès à mon Facebook. Ben, en fait, je peux rien envoyer encore. Parce que il faut que je m'identifie du fait que j'ai changé de... J'ai pas le même accès, ok? C'est pas le numéro, le même numéro de code, donc il faut que je revendique ça, puis bon, tu peux tout. Oh là là, c'est... Ah non, c'est celui de Raphaël. Raphaël Steak. Voilà, ok. C'est ça. Oui, c'est Raphaël. Exactement. C'est donc ça. C'est pas Raphaël? Pas Raphaël, mais Raphaël, c'est l'ami aussi de Julia Palombe. En tout cas, il y a un lien avec Julia Palombe. Et puis je trouvais ça intéressant, ouais. Il n'y a pas Julia Palombe dans ses amis, hein? Ah. Ah bon. Raphaël, il a... Sinon, on va juste sur là-dessus. Sur là-dessus. 5 partages. Moi, ouais, je peux juste voir les 2 partages. Ah bon. Non, donc non, moi, il n'y a pas de... Okay. Vraiment, c'est Raphaël qui a posté ça. Ou... Ah oui, ok. Quelqu'un l'a partagé et t'es tombé dessus. C'est ça. Et tu l'as partagé, mais ouais. Rien à voir avec... Ok, j'ai la balance. Ah, ok, c'est vrai. En tout cas. Là, c'est ouais. Coco. Oui, exactement, c'est ça. Il y avait François Deblaye et Sandy, les amoureux du Sacré-Cœur. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'intéresses à la vieille chanson, toi qui ne l'as jamais vécu. C'est vrai. Et c'est vrai, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Est-ce que tes parents écoutaient ce genre de musique-là? Là, ça a commencé? Ben oui. Ah bon? Ben oui, on manque à rien, absolument rien. Ah merde! Ben oui, voyons donc, tout est bon, hein? Oui. On n'avait pas vu ce qu'on allait dire avant! Ben, on y va! On y va au feeling, ok? Non, mais je sais pas de quoi. Ben, on va parler de musique, on va parler de chansons, mais il n'y a rien de prévu. C'est une discussion comme ça. Donc, non, c'est la beauté de la chose. C'est rien de préparé. C'est comme un spectacle. C'est comme un spectacle d'improvisation. Oui, ben là, on improvise. Voilà, voilà. Mais on n'improvise pas ce que tu vas dire parce que ça vient de toi quand même. C'est ton vécu, c'était. C'est ta jeunesse. Je vais sortir avec petits papiers. Parfait, au cas ouais. Où... Alors, toi, est-ce que tes parents écoutaient de la musique avant ou si tu t'es intéressé toi-même à ce genre de chansons françaises qui... Comment c'est venu? Bah, ça a pris du temps, en fait. Au début, j'étais, en tant que jeune fille, j'adorais les grandes chanteuses à voix, Céline Dion, Whitney Houston, les divas, ça faisait rêver, en fait, hein, de chanter... sur scène avec les belles robes et tout. Et ensuite, j'ai commencé. je la vois qui est en rire, je suis en train d'essayer. C'est les petits chocs qui sont là. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai commencé à chanter. En fait, avec mon professeur de chant, j'ai commencé à travailler ce genre de chanson, de la chanson française, du Piaf. Et d'un seul coup, j'ai trouvé que j'arrivais à mieux interpréter. Ça me parlait davantage. Donc, je me suis consacrée un peu plus à ce répertoire. Et au fur et à mesure de mes découvertes, voilà, c'est devenu une évidence. Après, j'ai vécu à Montmartre et tout. Donc, Est-ce que c'est la musique qui t'a fait décrocher cet endroit-là à Montmartre? Ou si tu aimais cet emplacement-là? Non, je cherchais un appart. N'importe où, à Paris. Bah, plutôt dans les quartiers qui me plaisaient, mais je connaissais pas ce quartier, donc je regardais un petit peu. Et un jour, il y avait un appartement que je vais visiter dans le quartier. Je suis arrivée aux Abbesses et j'ai fait « Oh, mais j'adore! C'est ici que je veux vivre! » Et donc après, j'ai cherché que dans ce quartier-là et j'ai trouvé. Mais avant les Abbesses, tu habitais où? J'habitais du côté de Villiers, okay, oui. 8e, 17e, okay. Côté de rue Lévis, ouais. Donc c'est aussi très sympa. Donc je cherchais par là avant. Et en fait, Montmartre, il y a vraiment une histoire oui. Avec les artistes, mais il y a aussi ce côté très village. Les gens, c'est autre chose qu'à Paris. C'est vrai. Ils sont dans une gentillesse, un partage aussi, on se connaît, on « Ah, salut, ça va ?» et tout. On se fait des coucous. et c'est vraiment ce lien social que j'apprécie particulièrement à Montmartre. Et toi, tu habites la rue des Abeilles depuis combien de temps? J'ai 3 ans. Ok. Et c'est la musique, en fait, qui t'a amené à aimer Paris? Ou si tu l'aimais déjà avant? Alors, moi, en fait, je viens de Rouen. Oui. Rouen, Normandie. Et quand je devais faire après le bac, il fallait faire ses études. Hein. Quand on fait un bac S, SP Math, on nous dit pas, tiens, vous allez faire une filière musicale. C'est pas étonnamment. Que et pas que les professeurs, ouais. Jamais ils vont se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose avec la musique. Non, non, jamais, non. Bah, école de commerce, ça mène à tout. Ouais. Donc, je suis partie sur Paris faire une école de commerce. Et je voulais Paris spécifiquement parce que je voulais être dans une école de chant à côté. Je voulais faire travailler le chant. Donc, le conservatoire de Paris, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Paris, c'était pour le chant, du coup. Et puis surtout que tous les artistes en général se trouvent ici. C'est plus... Toutes les ouvertures aussi. C'est plus facile, après j'ai commencé dans le métro. Donc pour commencer dans le métro, dans une autre ville de France, c'est pas aussi... Puis c'est quand même une école, chanter dans un métro, c'est... Pas dans un métro, c'est dans les couloirs. Dans les couloirs, ok. C'est interdit dans okay. Les rames. Ah oui. En fait, pour être musicien du métro, il faut passer une audition. Oui, oui, oui, oui. C'est vraiment tout un process. Et ensuite, une fois qu'on a le badge, on a le droit de chanter uniquement dans les couloirs, même pas sur les quais. Mais êtes-vous destiné à des endroits précis pour pas... Après, on se met où on veut, mais okay. Premier arrivé, premier servi. Ok. Ça, c'est le matin? Non, non, c'est... On y est plutôt en fin d'après-midi, hein, okay. Le moment d'heure de pointe, c'est le moment okay. Le plus intéressant. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur. Et c'est une école quand même assez difficile. Oui, bah oui, les gens, ils ne sont pas là pour écouter. Donc, si on arrive à arrêter des gens, c'est un exploit. Et c'était toujours à cappella. Ah. Non. Okay. Là, j'ai mon ampli, mon micro, donc je pars avec tout mon matériel. OK, alors donc, tu avais une trame musicale. Oui, les instrumentales. Comme, les instrumentaux, plutôt, même. Oui, les instrumentaux, comme faisait Léo Ferré. Avec ses orchestres symphoniques préenregistrés. Donc, oui. Ouais, okay. Bah, ou alors comme dans les karaokés. Hein, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et les gens étaient déjà intéressés par ta voix, par l'énergie que tu donnais. Parce que quand on te regarde, on sent l'énergie, on sent la fougue, on sent la vivacité de la chanson et de l'amour de la musique. Et surtout de cette époque-là, surtout l'époque. Oui, alors dans le métro, c'est vrai que j'étais plutôt dans un registre plus vocal. Okay. Donc avec des chansons à la limite du lyrique. Oh. Donc j'avais Maria, le fantôme de l'opéra, des choses. Parce que l'objectif, c'est d'arrêter les gens. Oui, c'est ça. Donc quand on fait une prestation vocale assez impressionnante, et ben, les gens, ils s'arrêtent. Oui, c'est vrai. Ils veulent voir le phénomène. C'est ça. Ouais. Et après, avec le Covid, etc., j'ai changé de registre aussi parce que je devais porter un masque en fait pour chanter, donc c'est vraiment pas facile. J'ai arrêté l'Ave Maria, je me suis dit ça va être trop compliqué d'ouvrir la bouche sur les grandes notes avec le masque. Enfin, il tombe, enfin, c'est une horreur. Ouais. Donc voilà, mais après j'ai commencé à chanter vraiment de la variété dans le métro, enfin la chanson française. Mais surtout, j'ai créé les visites de Montmartre en chanson. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que tu fais actuellement le samedi? Voilà, tous les samedis après-midi, aussi certains dimanches, certains jours fériés, 14 juillet par exemple. Ouais, bah oui. Et puis en semaine, des visites privées. Donc voilà, des anniversaires que je peux avoir les dimanches, aussi des comités d'entreprise, des associations, des retraités, etc. Bah, ça plaît beaucoup, même j'ai même fait avec un orchestre, avec une chorale, etc. Donc, est-ce que tu pratiques avant? Oui, sans doute. Avec une chorale, tu dois te pratiquer avant, c'est pas... Non, la chorale, là, c'était une surprise pour eux. OK. Ils ne savaient pas, et donc j'avais préparé les paroles des chansons, leur avait distribué les paroles, et ils étaient enchantés de pouvoir chanter avec moi toutes les chansons qu'ils adorent. Qui connaissaient? Bah, bien sûr. En fait, certaines un peu moins connues, parce qu'il faut quand même qu'il y ait certaines découvertes dans cette visite. Hein. Oui. Voilà. Quoique, il y a certaines personnes qui connaissaient toutes les chansons. C'est vraiment des très grands connaisseurs. Mais généralement, on apprend toujours, quelque chose. Mais comment tu as fait pour te dresser une liste de chansons? Dans les visites. Ouais, c'est ça, le florilège. Pour les visites de Montmartre en chanson. Oui. Alors, les visites de Montmartre en chanson, c'est un tour qui retrace la vie des chanteurs qui ont vécu à Montmartre. Donc, j'ai cherché des anecdotes sur les chanteurs. Sur Internet? Sur Internet, auprès de personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de ma vie ici à Montmartre. C'est dresser des points clés. Ensuite, il a fallu créer un circuit qui passe parmi ces points clés, éliminer certains endroits qui étaient un peu écartés pour avoir vraiment un concentré de 2 heures de visite hyper professionnel et de qualité. Et avec les anecdotes, j'ai choisi la chanson qui correspond le mieux. Et s'il n'y a pas de chanson, il y a tellement de chansons. Si la chanson ne correspond pas, il n'y a pas de chanson qui corresponde, je ne fais pas de chanson. Okay. Mais il y a une vingtaine de chansons, donc c'est déjà beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est simple, je regarde dans le répertoire, je parle de Piaf qui chante dans la rue, je regarde la chanson qui correspond le plus à cette atmosphère de rue. Donc j'ai pensé à la cordonniste, la fille de Joie et Belle au coin de la rue là-bas, parler des décors de la rue. Ou alors je suis devant le Moulin de la Galette, il y a une chanson qui s'appelle Le Moulin de la Galette, chantée par un Lucien Delisle. Donc je chante cette chanson-là. On est dans la musique des années 30, c'est quand même... 30, 50, oui. Oui, alors j'ai aussi des chansons plus anciennes, 1866 avec Jean-Baptiste Clément, Le Temps des Cerises. Oui. On a du Aristide Bruand aussi, et du Dalida. Évidemment. Le Bruant ici à côté aussi, le Café Bruant. Alors, je m'arrête devant le Café Bruant, mais c'est parce que c'est la rue Bruant. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'histoire particulière avec cette rue, je crois, d'après mes connaissances. Sur Bruant, dans cette rue, c'est juste le nom de la rue. Donc, je préfère m'arrêter plutôt devant sa maison où il a vécu. Ici, sur la rue Bruant? Non, okay. Plus haut, en face de la Maison Rose. On n'a pas laissé le... pourquoi on n'a pas appelé une rue Bruant à l'endroit où il a habité? Parce que là où il a habité, c'est la rue des Saules, donc c'est vraiment une grande rue... Ah, ouais. Je sais pas pourquoi on a choisi cette c'est rue Bruant. Il y a une autre rue aussi où a vécu Bruant, plus par là-bas, du côté des grands magasins du Fayel. Parce qu'en fait, la rue Bruant n'a rien à voir avec Bruant, puisqu'il n'a jamais habité là. Je pense. Je crois en effet, mais... Mais si elle était appelée aussi, comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose, je le sais, que je ne sais pas. Mais lui aussi avait un amour pour Montmartre, parce que toujours resté. Bien sûr. Le Chat Noir aussi, oui, hein. Oui. Où il a commencé, boulevard Rochechouart, puis ensuite était aussi à boulevard de Clichy. Et c'est une adresse où il a beaucoup chanté, hein, avec Rodolphe Salis qui tenait les lieux. Puis il y a eu son cabaret, ensuite le Mirliton qu'il a créé. Donc ça, tout ça, je raconte dans mes visites ces histoires-là. Après, on a bien évidemment Dalida, oui, qui a vécu à Montmartre. Donc là, c'est un peu plus récent quand même comme répertoire. Effectivement, là, les gens, tout le monde connaît Dalida, tout le monde connaît le répertoire de Dalida, de Didi Lamoureux jusqu'à bon, des chansons que même Lama a écrit pour elle, Je suis malade et voilà. Mais. Pardon? Non, je suis pas sûre que Lama ait écrit Je suis malade pour elle. Il l'a d'abord interprété. Hein. Oui, mais c'est elle qui l'a choisi. Et après, elle l'a oui, repris. Oui, oui. Effectivement. Ah oh, non, non, ça n'a pas été écrit pour elle, oui, effectivement, non. Mais elle se l'est accaparée quand même, parce oui, que ça correspondait. Oui, elle se sent, elle ouais, vivait cette chanson, elle avait une résonance particulière pour elle. Mais surtout quand elle chantait, on sentait que c'était vraiment sa chanson. C'est comme si elle l'avait écrite, hein, donc... Mais c'est aussi le travail des interprètes, que les chansons qu'ils chantent, on a l'impression que ce soit leur chanson. C'est vrai. Comme Edith Piaf. Si on parle d'Edith Piaf, là, mais... je ne peux qu'être d'accord. Mais... Mais une des chansons d'Edith Piaf, quand même, qui donne beaucoup de choses, c'est La Foule. Oui. La Foule, qui est à la base une chanson d'Amérique du Sud, latine. OK. Et qui a été traduite? Les paroles, je crois, n'ont rien à voir avec la chanson originale. OK, mais le rythme est le même. Le rythme est le même. Voilà, faut imaginer quand même les instruments plutôt. Mais ça fait quand même latine. Mais c'est dans une autre. Voilà, c'est pas exactement la même ambiance. Là, ils l'ont mis en chanson française. Ah non, ça marche très bien, c'est une très belle chanson. Hein. La version originale, c'est une oui, chanson. Oui, c'est une très belle chanson aussi. Oui. Okay. Mais c'est autrement. C'est une autre ambiance, je trouve. Mais c'est pas Edith Piaf, donc c'est pas la même chose. C'est pas le même ressenti. Oui, oui. Et toi, la musique, qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur certains auteurs, compositeurs et que tu abandonnes certains autres? Que j'abandonne... Ben parce que, par exemple, Boris Vian, est-ce que tu... Non. Bon, voilà. De mal. Mais en fait, c'est surtout en fonction des chansons. J'écoute les chansons et je choisis celle où le texte me parle. Okay. Après, en plus du texte, il faut aussi qu'il y ait une mélodie qui soit entraînante, qui permet d'exprimer ce qu'on ressent. Donc, j'ai fait une recherche très assidue, en fait, sur les chansons qu'a pu interpréter Edith Piaf, surtout. Et j'ai choisi même des chansons qui ne sont pas connues, que j'ai vraiment sélectionnées, parce qu'elles ont une histoire et la mélodie est super aussi. Donc ça, c'est des chansons que j'interprète uniquement, du coup, avec des musiciens, en live, parce qu'il n'y a pas de version karaoké qui existe, non, là. Là, c'est plus compliqué. Il faut pas, non. Donc je ne peux pas les faire dans le métro ou par moi-même. Je suis obligée d'être accompagnée par un instrumentiste. Et c'est fou, c'est découverte. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. De ma porte, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma porte, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.

plus que ça. J'ai beau chercher à la ronde, mon manège à moi, c'est toi. On fait partie de l'association Sainte-Tarte, qui est une association qui vient en aide aux blessés de guerre et leur famille à travers l'art. Donc ils organisent des concerts dans aux Invalides, etc. Donc je fais partie du coup de la troupe qui va chanter. Comment tu t'es réduit à ce groupe-là? C'est une amie que j'ai rencontrée dans une audition en fait, qui faisait partie de cette association. Elle m'a proposé et puis je suis rentrée. Ça t'a intéressé? Moi je trouvais ça super de faire un concert aux Invalides, je trouvais ça l'idée sympa. Ouais, c'est vrai. Et puis à l'orchestre de l'école de santé Lyon-Bron, donc c'est un orchestre. Ah ouais. Possibilité de chanter avec un orchestre, donc ça c'est quelque chose. C'est sympa. Ah ouais. C'est ça... comme quand j'ai fait la visite avec un orchestre à Montmartre. Oui. Là c'était aussi quelque chose. Hein. Et t'aimerais-tu recommencer ce genre de... Ah oui. Ah oui. Et c'est un beau cadeau. Ah j'adore. Mais l'orchestre c'est un peu comme une fanfare. Il y avait 50 musiciens. Une fanfare. Une banda, ça se dit plutôt une banda. Okay. Parce qu'ils peuvent eux aussi bouger avec toi. Oui, ils peuvent bouger, mais là c'est une banda, c'est la musique de rue. Sinon c'est un orchestre harmonique. Ok, oui, ok. Ouais. Et donc l'effet doit être... Puis en plus c'est pas... c'est... Il n'y a pas d'ampli, donc ça se fait sur le... Oui, alors là j'ai pas chanté en même temps qu'eux. Ah. Parce que c'était pas les mêmes tonalités des morceaux. Donc généralement je chantais a cappella et ensuite ils enchaînaient sur la chanson avec les instruments. Donc mais c'était partout dans Montmartre. Ah, ça veut dire que la chanson qui durait 2 minutes, elle pouvait durer 4 minutes avec ça parce que... Non mais moi la chanson je ne les fais pas en entier hein, dans mes visites. Hein. Je fais toujours des bouts de chanson. Parce qu'après, je choisis les moments les plus intéressants. Parfois les chansons sont un peu plus longues que d'autres parce que j'ai jugé que c'était plus intéressant. On avait besoin d'avoir ces parties-là dans le couplet pour comprendre ce dont je voulais parler. C'était impossible aussi d'enlever certaines phrases qui représentaient bien la chanson. Hein, des fois, c'est dur de couper. Oui, après, c'est des couplets, des refrains. Parfois, je fais qu'un refrain. C'est en fonction du moment aussi. Parfois, je fais plus court parce que j'ai moins le temps, parce qu'ils ont traîné avant, donc je m'adapte. Non, mais ça donne le rythme aussi. Tu coupes aussi pour donner un rythme. Oui. Ouais. Parce que sinon, l'objectif, c'est pas de rester trop longtemps dans un endroit, parce que les gens, au bout d'un moment, c'est long. Moi, vraiment, les gens n'ont pas le temps d'arriver à ce moment d'ennui dans l'endroit, parce que... On se place, on raconte, on chante, on part. Voilà. Je commence là, juste à côté, place des Abbesses. Oui. Je descends, donc, au prochain café, je descends, et j'arrive rue Véron, hein, où a vécu la Claude François. Oui. Un peu en dessous, là, a vécu Piaf. Je raconte, je chante là en bas, puis je remonte un peu plus loin en rue des Abbesses et on va devant le Bruyant justement pour parler de la mascotte. Oui, l'histoire de Bruyant. On monte au Moulin de la Galette et puis ça continue là-haut. Et ça dure quoi 2 heures. Oh, quand même, 2 heures. 2 heures, oui. C'est... Parfois c'est un peu plus court quand j'ai un groupe un peu moins nombreux, ça va plus vite. Mais bon, c'est quand même 1h45. Hein, mais lorsque c'est terminé, t'es quand même assez lessivé. Quand j'ai des gros groupes, parfois ça peut être plus long aussi. Okay, mais je suis pas dans l'économie de temps en fait. Ça prendra le temps que ça prend. Même si ça prend un peu, voilà, 15 minutes de plus, c'est rare que ça fait une demi-heure de plus quand même. Même si vis-à-vis des gens, au bout d'un moment, une demi-heure de plus, parfois ils ont d'autres rendez-vous, donc je ne vais pas leur prendre leur temps. Donc je fais en sorte que ça dure les 2 heures, mais si par exemple on a eu un petit empêchement à un endroit, que ça dure un petit peu plus longtemps, je ne vais pas couper les endroits pour arriver à la fin. Je vais faire la visite en entier et leur faire la performance qui... Mais en même temps, des fois c'est la météo qui décide. La météo, je suis quand même plutôt chanceuse sur la météo. Okay. Hein. Instant. Il n'y a pas eu de pluie à travers... Si, j'ai eu des pluies, mais je suis plutôt chanceuse dans la majorité. Ah, mais tu as un parapluie? Oui, j'ai mon parapluie. Okay. Et oui, ça... Enfin, faudrait que ça pleuve juste à la fin de la visite. Enfin, faudrait quand même que ça soit hyper... C'est ça. Enfin, c'est rare, quoi, que ça arrive pile poil. Exactement. Puis on voit arriver la chose. Oui. Fait qu'on peut se dépêcher, on peut... Non, mais franchement... Il n'y a pas ce genre de... Enfin, je ne le prends pas forcément en compte. Hein. Je fais la visite et on verra bien. Ah oui, ben oui, tu te lances. Une fois que le spectacle est parti, ben, c'est parti, on se rend jusqu'à la fin, oui. Ah, j'ai 10 questions. Alors, on y va, les questions. Pourquoi? Tu les attendais, les questions? Non, je les vois qu'elles sont là dans la main depuis tout à l'heure. Oui, oui, mais là, c'est parce que j'ai préparé. Si tu étais un liquide... Un liquide? Oui. Oh, mais c'est dur, ces questions! Ça peut être aussi... Du champagne? Champagne, oui. Pourquoi pas, OK. Puis c'est pétillant. Pétillant? Ben oui, pourquoi pas. Si tu étais un peu comme la chanson, un peu comme la musique, c'est pétillant. Ton spectacle, ce que tu fais, comme c'est pétillant. Oui. Que tu te fais pétillant. Si tu étais une ville, ben là... Ville, moi, ben même pas une ville, Montmartre, un quartier. Ben oui, hein. Ben voilà. Ben oui. Mais tu serais Paris et tu serais plus précisément Montmartre. Exactement. Si tu étais une langue... Une langue? Ah, une langue, pas la langue! Dreyfus a dit le cochon, mais les gens disent aussi la langue française, la langue espagnole. Ça peut être toutes sortes de langues. Je dirais plutôt la langue française, quand même, ben oui, hein, ben parce que c'est les paroles que j'écris, c'est vraiment en français. Hein. Puis c'est ce que tu chantes aussi, oui. Actuellement. Si tu étais une époque? Une époque, ah, ça serait les années folles. Ah oui, OK. Pour rencontrer Coco Chanel, pour rencontrer le Yéyé aussi. Même les Trente Glorieuses. Ah oui, OK. En fait, c'est même plutôt l'après-guerre. Ah oui, après ça, on les est... années 50, voilà, les années 50. J'ai loupé mon coche, là, dans les cabarets des années 50. Hein. Là aussi, la fumée, hein, le côté emboucané des bistrots, le jazz. C'est surtout que à cette époque-là, tout le monde pouvait démarrer comme ça dans les cabarets. Il y avait la place pour tout le monde, en fait. C'était facile, c'est la naissance des auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'est vraiment une période que j'affectionne particulièrement. Si tu étais un mot... Un mot? Partage? Oh, c'est beau. Partage. En plus, la manière dont tu l'as dit, c'est beau. Si tu étais un aliment. Un aliment. Quelque chose à manger. Un chou à la crème. Ben oui. C'est le premier truc qui m'est venu, alors. Oui, c'est tellement bon. C'est beau, hein? Ben oui. Si tu étais une saison. Ces gens, j'aime bien le printemps. Ouais, la renaissance. Ouais, je suis un petit taureau, hein, donc bon. Taureau, c'est mai. Mais... Moi, c'est gémeaux, alors c'est après. Ah oui, ouais. Oui, c'est gémeaux. Si tu étais. Est-ce que tu crois à l'astrologie? Oui, j'aime bien l'astrologie. Ah oui? T'as un petit côté Françoise Hardy? Peut-être. Ben oui, parce qu'elle adore l'astrologie, tu savais oui. Pas? Ah oui? Non, pas forcément. Ah oui, sa deuxième carrière, c'est l'astrologie. D'accord, ah c'est oui. Fou. Hein. Si tu étais un membre corporel? Les yeux? Pour regarder le Montmartre tout à l'heure. Pour exprimer... c'est là la vie. Là où on voit l'expression, ce qu'on ressent. Ouais, les yeux, après ça aurait pu être autre chose. Hein. Le cœur, si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée... C'est difficile, ces questions, hein? Je sais pas, moi, j'aime bien le début d'après-midi. C'est le moment où je commence mes visites. OK. Donc, tu es vraiment prête? C'est là où ma voix, elle est bien réveillée. T'es plombée. Pour commencer, voilà. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? Une autre personne? Oui. Quelle personne j'aimerais être? Oui. C'est difficile, hein, parce que... En même temps, j'adore Edith Piaf, mais j'aimerais pas avoir sa vie, quoi. Mais on prend tout, hein? On prend tout. Donc, pas Edith Piaf à cause de sa vie, donc... C'est vrai qu'elle a quand même une vie assez tragique. Ouais. On n'en vit pas sa vie. Elle est morte très jeune. Donc, c'est hallucinant. Donc... C'est difficile, les gens. Qui sont les chanteurs? Connaît leur vie. Non, mais je sais pas, là. Tu serais toi-même. Oui, c'est bien, ça, ben aussi. Oui. Ben oui, faut pas... Ben oui, faut pas cracher dans la soupe. Ben oui. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, est-ce que je ferais... Ben oui, j'ai pas envie de changer mon chemin. Il m'a amené là, et je suis bien où je suis, donc... Et l'avenir, c'est quoi? C'est tu prépares un disque tranquillement? Tu mets pas trop de j'aimerais pression? J'aimerais bien que ça se fasse un jour, mais je suis pas encore en train de le préparer. Mais là, tu as une chanson déjà de préparer. J'en ai une! Ah oui, mais ça commence par bout, une. C'est un petit bout. Ah oui, mais ça commence par une. Une chanson, ça, je veux dire, un album, c'est pas toujours mais les 10 chansons. C'est plutôt voilà, de pouvoir chanter des concerts avec un public de plus en plus nombreux pour partager avec le plus grand nombre. Et tu veux poursuivre aussi ta visite de Montmartre? Bah, tant que je pourrais, oui. Je sais pas. Hein. Je sais pas ce qui m'attend demain. Personne ne le sait non plus. Voilà. Qui vivra verra. Exactement. La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. À mon émission. Avec plaisir! Et puis, si les gens passent par Paris, on peut aller sur ton site internet. Oui, c'est montmartreenchanson.com, donc montmartreenchanson avec un S, oui. .com. Et on peut aussi s'inscrire directement là. Il n'y a pas de problème, on peut s'inscrire. Alors, c'est sur mon site qu'on s'inscrit directement, oui, et après, je réponds par mail. C'est ça. Et sinon, pour mes réseaux sociaux, c'est Anne-Sophie Guerrier, sophie.guerrier. Et comme voilà. Un guerrier. Comme un guerrier. Et donc, les chansons suivront éventuellement. Oui. Ben oui, faut pas désespérer. Oui, pour voir mes prestations de ma fenêtre. Oui, ben oui. Et pouvoir chanter. Mais c'est pas... Tu as fait aucune... tu l'as pas fait ta chanson sur ta fenêtre. J'ai chanté aussi de ma fenêtre. Oui, mais est-ce que tu as chanté la chanson que tu as composée? Ah non, non, non, c'est non, ça. Non. Ben voilà, parce c'est que je suis obligée d'avoir des instrumentistes avec moi. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui t'a regardé en bas? Oui. OK. Les gens s'arrêtent au fur et à mesure et, ouais, c'est et ça, à un moment donné, il y a un attroupement qui se crée, oui. Mais t'avais-tu le droit de faire ça? Oui. OK. La musique, elle est de chez moi, donc... Ah ouais. Ouais. Mais c'est la fête de la musique de toute façon, hein, donc oui. C'est le moment où la musique est partout dans la rue. Mais surtout qu'il n'était pas 23 ans, donc tu déranges personne. Non, non, je faisais ça en début de soirée. Mais les gens qui ne savaient pas que tu étais chanteuse, ils l'ont appris là. Mais c'est quand même la quatrième fois que je le fais de ma fenêtre, donc... Donc là, les derniers qui ne savaient pas, ils sont au courant, je crois. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Là, le bouche à oreille est passé facilement. C'est bon, là, je crois que c'est... Puis surtout avec les vidéos, là, on ne peut pas dire le contraire. Ah, mais j'ai une vidéo qui a fait sacrément du, hein. C'est une vidéo qui a tourné à 3 800 000 vues. Ah oui? Oui, j'en revenais pas. Celle que j'ai postée... Non, c'est une vidéo qui a été prise par quelqu'un d'autre, qui passait là, et j'ai découvert bien après. Tu savais pas que quelqu'un avait... Bah, j'ai vu qu'il y a des gens qui me prenaient en vidéo, ouais. Mais de là à savoir que la vidéo avait fait le buzz, je ne le savais pas. Est-ce que le son est bon? C'est vraiment très court, hein. C'est 20 secondes. Hein. Ok. Mais ça a fait vraiment le tour à l'international, parce que les... Combien de personnes? 3 800 000. Hey. J'avoue que j'ai vu passer à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, j'en revenais pas. C'était assez fou. Hein. Est-ce que tu as rajouté quelque chose en dessous, ton nom, ton... Bah, eux, je leur ai dit quand même de me mentionner qui j'étais. Ils ont mis le lien vers ma page, donc j'ai eu un flux sur mon site et tout ça. Parce que c'est vraiment des internationaux. Hein. Oh, oui. Donc la vidéo, elle a fait le tour du monde. Italien, Ah non, mais elle a fait Canada, Québécois même. Oui. Et elle a fait Nouvelle-Zélande, elle a fait Asie, elle a fait l'Afrique du Sud, vraiment, on était partout. Hein. C'est fou. Puis t'as eu des écoutes partout. Japon. Puis t'as eu des écoutes partout. Oui. Eh bien, ça promet pour ton disque. Bah, là, c'est fini hein, maintenant. Hein. La vidéo, oui. elle a fini le buzz. Ben oui, mais c'est pas grave, les gens ont resté buzzés encore. Oui, ben, je sais pas. On va voir, il y aura peut-être d'autres buzz après, j'en sais rien, mais pour l'instant, ça s'est calmé. Mais c'est quand même flatteur. Bon, ça fait plaisir, mais c'est surtout que les gens ils comprenaient pas pourquoi j'étais de ma fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pourquoi elle se met à chanter de sa fenêtre? Oui. Donc c'est ça les a fait réfléchir. Oh, Paris, qu'est-ce que c'est sympa, les gens ils chantent de leur fenêtre comme ça sans raison. On va aller à Paris, c'est là que ça se passe, on peut chanter n'importe où. Hein. Mais oh oui, ok, c'est aussi le côté l'intrigue. Hein. C'est intriguant de voir les gens qui sont différents que nous. Hey, 3 millions, c'est quand même plus que ça. Oui, c'est énorme. Hein. Ben, écoute, on se retrouve incessamment au Québec. Avec plaisir, hein, quand je ferai ma tournée là-bas. Ben, oui, avec le disque en main. Bien sûr. Ah ben merci. Avec plaisir, merci. À la royure. À la royure. Salut. Ben, ça s'est bien passé? Ben oui, très bien. Parfait. Hey, merci, hein. Merci. Avec plaisir. 42 minutes. Ah ouais, hein? 42 minutes, c'est deux émissions. Deux émissions. Mais vous allez couper dedans, non? Non. Ah, mais tout va passer comme ça? Oui. Aucun montage. C'est vrai? Aucun montage. Donc, je commence. Ben, le seul montage que je fais, c'est je trouve le début. OK? Et la fin, ben, c'est à la voyure. Ça coupe toujours à la voyure. C'est pour ça que je dis toujours à la voyure. C'est ça coupe-là. Donc, tout le reste, là, quand quelqu'un parle, aussi là, je garde. Si quelqu'un, exemple, je garde, mais je mets une chanson là, pendant ce temps-là, mais avec le bruit de fond du bistrot. D'accord. Par exemple, j'ai rencontré Jean-Paul il y a 2 ans, un tarotier, et il n'était pas Alain Bachon et tout ce monde-là. Et on était dans ce coin-ci, et Mascotte. Et il a eu un appel, parce qu'il fait partie de la SACEM. Et donc, je laisse partir, et puis il dit, je reviens. Puis pendant ce temps-là, j'ai baissé juste le son de mon micro, mais on entend le son, et j'ai mis une chanson d'Alain Bachoun, et on revient, je dis, ok, merci, puis là, on continue. Tu sais, je mets pas quand même 3 minutes ou 4 minutes de d'ambiance sonore, je mets une chanson, mais je garde toujours un arrière-fond, donc on entend le bruit des tasses à travers la chanson. Puis c'est ce qui donne. Mais je fais aucun montage, je pense. C'est 100%. Si j'ai une rencontre comme là, l'avant-dernière, avant toi, la personne a parlé pendant 2 heures. Je garde les 2 heures, ça va faire 4 émissions. Eh oui. Et je trouve que ça donne un cachet, parce que quand tu fais du montage, tu coupes ce qui est passé avant. Donc, tu donnes vraiment pas la réalité de la rencontre. La rencontre, c'est tout ce qui s'est passé autour, pendant la discussion. Et ça, je trouve que ça fait de la magie. Ça donne le côté intégral. Donc, il n'y a pas...